Eh, hey, monsieur le directeur, c'est le final, ça marche. Chut, chut. Ça y est, le premier acte est fini. C'est l'entracte. Je crois que je tire un succès. Quelle joie pour un modeste directeur de province. Ah, voici mes jeunes triomphatrices. Oh, j'espère qu'en voilà un succès. Un succès à tout passer. Moi, je crois bien, vous l'avez, c'est tout le final. Corinne, que de bouquets. Mais si j'étais à Paris, j'en aurais beaucoup plus que ça. C'est difficile. Sois tranquille, nous tenons un succès. Nous allons jouer la pièce au moins 8 fois de suite. Et nous pourrons organiser une tournée pour aller la jouer à Paris. Floridor n'est pas là. Oui, au fait, notre auteur, où est-il donc? Il va venir, il m'a promis d'être là au commencement du deuxième acte. Vous lui devez une fière chandelle à Monsieur Floridor. C'est vrai, mais je ne serai pas un ingrat. Je lui réserve une surprise. Vous lui donnerez une prime? Mieux que ça. Là-haut, tout là-haut dans le cintre, il y a une couronne énorme. On l'avait préparée en 1835 pour Paganini qui devait venir. Paganini n'est pas venu et la couronne est restée là. Eh bien, je compte, à la fin de la pièce, faire descendre sur la tête de Monsieur Floridor la couronne de Paganini. Ah, c'est gentil, ça, ah, hein? Oui. Ah oui, c'est gentil. Je vais donner des ordres au régisseur. C'est égal. Il a l'air de te lâcher un peu, ton Floridor. Me lâcher? Oh, il m'adore. N'empêche qu'on l'a vu en ville aujourd'hui, avec une femme. Quoi? Oui, devant l'hôtel du Lion d'Or, en carriole. Ce n'est pas vrai. eh bien, mesdames, on se dispute. Ah, oh, messieurs les officiers. Qui viennent vous applaudir. Tous mes compliments, vous avez été charmantes, délirantes. Toutes sans exception. Mais c'est vrai, mon petit champlâtreux, que vous partez? Tu pars? Dans quelques heures, pour Paris. Changement de garnison? Un changement complet. Je me marie. Oh. Non. Comme on voit que c'est rare, quelqu'un qui se marie, ça fait un effet. Oui, t'es jolie au moins. Brune, blonde, rousse. Je n'en sais rien. Non, oh. Comment, vous ne la connaissez pas? Non. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oui, mais c'est comme ça. Elle est extraordinaire.